pour le moment, j'ai plutôt l'impression, si vous voulez, que les discours sur la politique européenne ont beaucoup évolué. Les dispositifs ont un peu évolué. Par exemple, dans la future politique agricole commune, il y aura explicitement un soutien à l'agriculture biologique. On en est à peu près sûr. C'est dans les textes qui sont actuellement en discussion. Il y a des aides qui seront, dans le jargon européen, on appelle ça le verdissement des aides, des fameuses aides dont on parle, là, les subventions dont on parle dans le film. Il y a une partie, normalement 30% de ces aides, qui devraient être liées à des pratiques un peu plus respectueuses de l'environnement. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pour le moment, les critères indiqués, c'est des critères extrêmement frustes. En gros, faire plusieurs cultures sur son exploitation, avoir 7% d'infrastructures écologiques et maintenir ses prairies permanentes. C'est pas très, très ambitieux. Mais l'agriculture biologique aurait droit automatiquement à cette part verdie des aides. Donc il va y avoir quand même quelques orientations un petit peu plus favorables à l'agriculture biologique. Mais quand même, globalement, pour pouvoir généraliser et traduire la mise en place d'une agriculture davantage liée à son milieu, faut dire ça, je pense qu'on peut le dire ça comme ça, c'est aussi des mécanismes de marché, c'est aussi des mécanismes de concentration des terres, c'est aussi des mécanismes d'urbanisation qu'il faut arriver à maîtriser. Hein.